me fascine autant qu'elle me dérange. Je frissonne, poignardé par le beau. C'est comme dans l'amour le couteau. La blessure traverse mon cœur. Et j'ai la joie dans la douleur. Je m'enivre de ce poison. C'est si bon de souffrir, c'est qu'on mange à d'un tel âge.